Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission du Podcast Auto, émission du 5 novembre 2014. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, petit spécial, là, je regardais ça avec mes collègues du Podcast Auto, puis on va aller sur une petite temps électrique. Donc on va passer les quatre prochaines émissions à parler de voitures électriques. J'espère que ça va vous plaire. On va aller vers différents modèles. J'ai eu la chance d'essayer quatre modèles à date de voitures électriques. Donc on va faire un mois de novembre électrifié. Et ben avec moi pour parler voitures électriques, j'ai le spécialiste de la voiture électrique, c'est Simon-Pierre Rioux. Salut Simon-Pierre. Salut Luc. Ça va bien? Ça fait plaisir de dire que je suis un spécialiste, mais c'est vrai, j'ai pas mal tout essayé ces autos-là. Ça fait que j'ai hâte de voir ce que tu as à dire à ce niveau-là. Ah, puis en plus, sur la Focus. En plus, tu gères un site qui parle de voitures électriques. Fait que c'est un peu comme, tu sais, faut que tu connaisses ça un petit peu. Moi, je partirais pas à un site qui parle de macramé parce que je connais absolument rien à ça. Donc, c'est bon de s'entourer de monde qui connaissent ça et qui s'intéresse à ça. Donc, je suis très heureux de t'avoir sur l'émission pour jaser de ça. On va t'accaparer pour les quatre prochaines émissions. Comme ça, on va avoir, je vais pouvoir dire ce que j'ai pensé de l'auto parce que je l'ai essayé. Puis Simon-Pierre va pouvoir donner son point de vue selon bon, ce que les gens disent sur le site de l'AVEC, puis des choses comme ça, puis ce qui en ressort. Donc, on va pouvoir avoir une discussion aussi sur la voiture en tant que telle. Et puis, on a aussi mon ami. Oui. Mon ami Jean-François Beaulieu. Salut Jean-François. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. Juste avant qu'on parte sur l'électrification, là, plug ton affaire. En fin de semaine, tu vas courir pour amasser de l'argent pour les enfants qui sont atteints du cancer aux Children. Exactement. Donc, parle-nous un peu de ça, puis dis-nous comment le monde peut aller t'encourager. Bon, c'est un événement qui s'appelle Splash and Dash, en français qui s'appelle Plongeons dans la course. C'est un événement qui finance l'étage de Sarah, qui est le 8e étage aux Children, qui est les patients qui sont atteints de cancer. C'est vraiment une course à relais. Alors, c'est on court. Il y a plusieurs catégories, comme puis là du dîner, ben c'est la course des héros et des célébrités. C'est des célébrités qui font équipe avec des enfants qui ont vaincu le cancer ou qui sont en train de combattre cette maladie. Moi, je fais équipe avec ma sœur et puis une de ses amies. Moi, je cours 2 km. Ça va se passer à McGill, au complexe sportif de McGill, c'est à l'intérieur. Si jamais ça vous intéresse de faire un don, vous pouvez aller sur le site qui est splashanddash.ca. Vous pouvez juste rechercher mon équipe, ça s'appelle Team Saint-Arsène. Alors, vous allez pouvoir nous trouver puis faire un don, que ce soit 1$, 5$, 10$, 100$ si vous voulez. Il n'y a pas de bons montants. Tous les montants sont acceptés, puis c'est pas une bonne cause pour les enfants atteints de cancer. Si jamais un jour on peut trouver une solution pour les sauver, ben on va peut-être commencer par en fin de semaine, un pas à la fois, puis on va peut-être réussir un jour à vaincre cette maladie-là. Oui, ça serait pas pire pantoute. Ouais. Donc, c'est ça, même si je t'inviterais, Jean-François, à aller publier le lien sur la page Facebook du Podcast Auto. Oui. Et puis, les gens vont pouvoir aller donner si ça leur tente. Un petit 2, un petit 5. Là. Ben juste, oui. Ça fait augmenter la cagnotte, c'est toujours accepté. Exact. Bon, parfait. Fait que bonne chance là-dedans. Puis je sais que tu vas faire bonne figure. Fais juste pas t'enfarger. Ouais, j'espère. Attache tes souliers comme il faut, puis cours, forest, cours. Ouais. Donc, on va commencer notre spécial électrique. J'ai eu la chance d'en essayer 4. Focus électrique. Ensuite, c'était la Chevrolet Volt. Bon, la Chevrolet Volt, c'est pas une voiture entièrement électrique, mais c'est quand même une voiture qui est électrique en majeure partie. Et puis ensuite, la Chevrolet Spark et la Nissan Leaf. On va commencer cette semaine par la Focus électrique. Et puis, on va y aller comme ça. La semaine prochaine, ça sera la Volt. Dans la semaine suivante, la Spark. Et dans la dernière semaine, ça sera la Nissan Leaf. Bon, il y a des gens qui vont me dire « Ah, tu parles pas des Tesla, tu parles pas des… » Non, j'ai pas pu les essayer. Il y a la Kia Soul électrique que j'avais l'intention d'essayer, mais bon, ça sera peut-être pas pour cette année, ça va peut-être aller au printemps, on verra, je vous tiendrai au courant. Mais pour l'instant, on va aller avec les 4 véhicules que j'ai été capable d'essayer. Donc, si on commence avec la Focus, bon, c'est la plus commune, c'est la voiture qui a l'air la plus la plus ordinaire dans le groupe, là, je pourrais dire. Elle est presque identique à la version à essence. Il faut vraiment porter attention pour voir la différence. Donc, c'est sûr que le gros logo, la badge écrit électrique dessus, ça avait un peu le punch. Mais pour le reste, si vous la regardez, c'est pas mal le même look qu'une Focus, une Focus régulière. Ford qui quand même assez agressif dans le monde de la voiture électrifiée, là. Auparavant, on avait simplement la Fusion, puis on avait l'Escape qui avait une version hybride. L'Escape a perdu sa version hybride, la Fusion l'a gardée et a gagné aussi une version hybride branchable qui s'appelle la Fusion Énergie. Puis l'Escape a été remplacé par le C-Max. Hybride et le C-Max Énergie. En Europe, là, le C-Max, c'est une famille de véhicules. Ça existe à essence, ça existe à diesel, ça existe à toutes sortes de versions. Au Canada puis aux États-Unis, Ford a juste décidé de commercialiser deux versions. C'est la hybride puis la hybride rechargeable. J'ai fait l'essai de la C-Max. Hybride et la C-Max Énergie qu'on appelle, qui est la hybride rechargeable. C'est un véhicule qui est bien, bien agréable à conduire. On a environ là, 22 à 30 km d'autonomie sur la batterie, dépendant des conditions et tout ça, là. J'avais été quand même agréablement surpris de ce que ça me donnait. Mais bon, pour moi, si je veux vraiment passer à l'électrique, ben j'ai 54 km pour me rendre au bureau. Donc, ça me prend un véhicule qui est capable, dans le minimum des cas, de faire une soixantaine de kilomètres pour que je puisse me rendre au travail, la brancher, puis qui va se recharger assez rapidement pour pouvoir faire un autre 60 km pour m'en revenir. Parce que quand je vois électrique, je veux aller électrique, fait aller mettre du gaz dans mon auto, ça me tente pas. Donc, la Focus a été la première que j'ai essayée. J'ai été agréablement surpris parce que bon, les constructeurs sont quand même, puis Simon Pierre, tu vas pouvoir confirmer, là, les constructeurs sont assez, mettons, protecteurs et sont plutôt pessimistes sur l'autonomie en disant on va faire 120 km et c'est à peu près ça. Mais dans la vraie vie, là, moi, j'ai réussi à faire des 150 puis même 160 km sans trop de problèmes. C'est sûr, c'est l'été et tout ça, là. Est-ce que c'est pas mal ce que les gens, ce qui ressort des utilisateurs de ton site? C'est-tu à peu près ça? C'est sûr, Ben, l'hiver, ça va changer, là. au niveau des membres, ce qu'on remarque, ceux qui ont la Focus électrique l'adorent. C'est un véhicule, comme tu dis, qui ressemble à un véhicule standard, thermique, comme on peut le voir un peu partout. Ça n'a pas une forme très spéciale ou hors de l'ordinaire. C'est un véhicule qui va attirer. C'est un véhicule qui a une belle dynamique de conduite. C'est basé sur une plateforme qui a reçu de nombreux prix. L'autonomie, comme tu mentionnes, je pense qu'ils ont été très, très, très conservateurs à ce niveau-là, parce que c'est vrai que si on conduit le moindrement normalement, puis quand je dis normalement, ça veut dire qu'on accélère pas trop rapidement non plus, puis on essaie d'étirer un petit peu notre autonomie. On apprend à conduire différemment de toute façon qu'un véhicule électrique, que ce soit n'importe lequel, on fait toujours un petit peu plus attention. Puis oui, on peut le monter à 150, 160. Il y a des gens qui l'ont monté même plus haut que ça, mais en faisant extrêmement attention à leur accélération, en essayant d'utiliser les freinages régénératifs, etc. Donc, c'est un véhicule à ce niveau-là qui peut être bien utilisé, puis faire facilement ton aller-retour sans besoin d'avoir à le recharger au travail, sauf pendant l'hiver, parce qu'on, comme on dit, à partir de moins 15 degrés Celsius, c'est là où ça devient plus difficile. Puis c'est un moins 15 qui n'inclut pas le facteur éolien, bien sûr. Non, c'est ça. Mais sinon, tu sais, la moyenne des journées, pendant le jour, là, il va faire moins 10, moins 5. Tu sais, il va y avoir quelques journées, il va faire plus froid que ça. Mais en général, là, tu vas être capable de faire un 120, 130 km à moins 15 et plus. OK. Donc, tu vas perdre un 20% d'autonomie. Si tu chauffes beaucoup, par exemple, tu es pris dans le trafic, puis même si ton véhicule n'avance pas, il chauffe. Et le chauffage sur la Ford Focus électrique, c'est un chauffage résistif, donc il va utiliser la batterie, puis il va prendre le courant, puis il va l'emmener sur un élément qui va devenir rouge, puis ça va le faire circuler comme ça. Donc, c'est un chauffage qui est pas à la fine pointe de la technologie pour les véhicules électriques. Il va utiliser un petit peu plus de jus de courant qu'un véhicule comme la Tesla ou la Leaf. à ce niveau-là, qui ont des thermopompes qui sont intégrés. Ah, c'est ça, c'est quelque chose que je me suis aperçu aussi. C'est que j'essayais pour la majorité du temps d'obtenir la meilleure autonomie que je pouvais. Donc oui, je conduisais doucement, les accélérations, tu sais, on accélère tranquillement, on planifie nos freinages quand c'est possible. Donc vous voyez un stop ou une lumière rouge, vous relâchez et vous laissez la voiture ralentir tout seul. Vous allez récupérer de l'énergie quand vous arrivez au stop, vous arrêtez, là. Passez pas sur la lumière rouge ou sur le stop pour juste continuer à glisser et gagner de l'autonomie, là. Faut quand même respecter les lois. Sur l'autoroute, bon, on essaie de pas rouler 120, tu sais. 90, 100 km/h, ça se fait très bien, puis on va garder l'autonomie. Ce que je me suis aperçu aussi, c'est aussitôt que j'éteignais la climatisation, je gagnais, la voiture me donnait une autonomie d'environ 20 km de plus. Puis aussitôt que tu l'allumais, tu perdais, elle était plus pessimiste, ça se disait que tu allais faire moins. Donc, ça, tu le voyais automatiquement sur le tableau de bord? Automatiquement. Aussitôt que je jouais avec la température, je partais ou j'éteignais la climatisation, c'était immédiat. Je voyais vraiment que je perdais un 15 à 20 km d'autonomie. Ce système d'estimation-là au niveau de l'autonomie pour la Focus, comment tu l'as trouvé? Est-ce que tu as trouvé que c'était assez juste? Donc, s'il disait, bon, il va te rester 100 km, était vraiment capable de faire ce 100 km-là? Ou tu trouvais que même cet estimateur-là, qui était sur le tableau de bord, te donnait un chiffre qui était un peu plus pessimiste ou conservateur? Ben, ça avait l'air quand même assez juste. Mais bon, j'ai la Focus, je l'ai pas poussé à son maximum d'autonomie. Là, j'ai pas pu jouer avec autant que sur certaines autres voitures. Donc, j'ai jamais été en danger. Fait que je peux pas dire ah oui, c'est exactement le kilométrage que j'ai fait, mais ça va l'air plus juste que bon ce que les gens ont l'air à appeler sur la Leaf, le guessometer, là, ou qui est le devinomètre, qui est vraiment des fois un peu partout. Même si moi, la Leaf a été quand même pas mal juste, là, puis j'en reparlerai sur l'émission sur la Leaf, là, ça a été quand même pas mal ce que la Leaf me donnait. Mais il y a des choses sur la Leaf qui sont vraiment un peu bizarres, mais ça on en parlera quand on sera rendu à cette émission-là. Mais pour la Focus, j'ai trouvé que c'était quand même bien. Si je calculais, là, j'ai écrit quelques articles pour l'ami Sylvain Judeau, là, si ça vous tente d'aller voir ça, c'est sur rouler électrique. J'ai fait des comptes rendus journaliers de mon utilisation de toutes ces voitures-là. Puis c'est simple, Sylvain me prêtait une borne de recharge EV Duty pour que je puisse charger la voiture sur 240 volts à la maison. Et puis en échange du prêt, ben j'y écrivais des articles. Fait que c'est un échange de bons procédés. Ça y donnait du contenu, ça me donnait une borne. Et puis parce que ça me tentait pas de dépenser 800$ pour. Il a quand même fallu que tu la fasses installer, cette borne-là. Tu peux pas juste la brancher sur 110 volts. Là, c'est une borne de 240 volts, donc il faut vraiment que les auditeurs soient au courant de ça. Ouais, ouais, comment ouais, ça a fonctionné? Ben moi j'ai passé le fil moi-même, j'ai acheté le fil, j'ai acheté toutes mes fournitures moi-même en me fiant sur les commentaires des gens de ton site. J'avais eu des discussions avec eux autres. Bon, qu'est-ce que ça me prend, là, la grosseur de fil, toute la quincaillerie pour aller avec, le breaker pour tout, tu sais, mettre ensemble le disjoncteur. Je suis allé chez Home Depot, j'ai tout acheté mes morceaux, j'ai passé mon filage, j'ai attaché le fil au plafond, j'ai tout fait. Après ça, j'ai appelé mon électricien, j'ai dit, garde, ce que tu as à faire, le fil est passé, c'est de le brancher à mon panneau, faire un trou dans le mur, sortir le fil, puis faire la jonction dans la boîte extérieure. J'ai mis ça sur une prise de soudeuse. Et puis, j'ai construit ma boîte et tout ça à l'extérieur, une boîte fermée en bois avec un cadenas pour que la borne soit en sécurité puis à l'abri des intempéries. Fait que ça, j'ai tout fait ça. Puis, l'électricien est venu faire la connexion parce que, même s'il y a plein de monde qui disent « Ah, c'est facile, tu peux faire ça tout seul, nanana. » Moi, de l'électricité, moi, je me dis, c'est une des choses avec laquelle je ne veux pas jouer. De l'eau, c'est une affaire. Une fuite d'eau, c'est une chose. De l'électricité, je veux dire, c'est plus difficile à voir quand il y a un problème, surtout si c'est caché dans un mur ou dans un plafond. Donc, j'ai voulu faire ça de manière sécuritaire. J'ai fait venir un électricien. Ah, ben là, je suis déçu, là, parce que je pensais que tu allais pouvoir nous donner ton expérience sur l'électrocution à 240 volts. Non, ben je serais peut-être pas là pour vous en parler. Mais Mon absence de réponse en dirait long. Mais non, fait que j'ai fait faire ça par un électricien, ça a pas pris beaucoup de temps. Puis j'estime qu'en tout, là, ça m'a coûté en bas de, probablement en bas de 400 $, 400-500 $ faire ça. La borne est un, va coûter un 700-800 dépendant de la borne que vous allez acheter, là. Mais si vous êtes pour vous acheter une borne, achetez quelque chose de bon qui va être bon pour longtemps. Puis vous allez être correct. La Heavy Duty, moi, a fait parfaitement le travail. C'est une borne qui est puissante. C'est une borne qui rechargeait les voitures à leur maximum, dépendant du modèle. La Focus, c'est pas son point fort. La Volt non plus. La recharge, tandis que la Leaf était pas mal mieux pour se Ah, recharger. ben, je vais t'arrêter un instant. Je suis surpris parce que la Ford Focus, elle a un chargeur intégré de niveau 2 à 240 volts qui est de 6,6 kW. Donc, ça devrait recharger à la même vitesse, sinon légèrement plus vite que la Nissan Leaf à OK, ce bon, niveau-là. c'est probablement plus la Volt d'abord puis la Spark que j'ai été un peu déçu. Exactement, oui, c'est eux autres, c'est 3,3, c'est vraiment beaucoup plus lent Ouais, ce, non, comme recharge. la Leaf puis la Focus étaient quand même assez rapides. C'est les deux autres qui ont été plus lentes, là. OK. Ça se mélange dans ma tête. Mais c'est ça. Donc, j'ai bien aimé le fait de pouvoir la charger rapidement à la maison. Puis je l'ai mis à une place pas loin de mon stationnement parce que j'ai pas de garage où c'était facile d'accès. Fait que c'était vraiment super bien. Puis à chaque fois que je partais, ben la voiture était totalement pleine. Donc j'arrivais, je la branchais. J'ai commencé au début de la semaine, j'ai commencé à la brancher sur le 110 au bureau, tu sais, par juste la paranoïa de manquer de courant pour en retourner chez vous. Puis les deux dernières journées de la semaine, je me suis dit, je la branche pas, je veux voir ce que ça va donner. Puis je suis revenu chez nous, il me reste encore presque 50 km d'autonomie dans batterie, là. Puis j'ai 54,7 km aller, 54,7 km retour. Donc, on peut voir que les calculs étaient quand même assez bien. Puis si on regarde là, les articles que j'ai écrits là-dessus, c'est vraiment si je calcule, là, je calculais mon montant que l'auto me donnait au départ, mon kilométrage restant à l'arrivée, puis les chiffres étaient pas mal proches. Fait que c'est ce qui me dit que le système de gestion puis le système d'estimation d'autonomie de Ford est quand même pas si pire que ça. C'est un truc qui est le fun à utiliser aussi parce qu'on te donne beaucoup d'informations sur la manière que tu freines, ton accélération, avec leur espèce de cadran qui dit, OK, présentement, tu es en train de récupérer de l'énergie, puis quand tu arrives à un arrêt complet, on donne ton score de freinage, puis combien, quel pourcentage d'autonomie que tu as récupéré ou d'énergie que tu as récupéré. Je trouvais ça le fun. Est-ce qu'il n'y a pas une petite animation aussi avec des feuilles ou des papillons, quelque chose comme ça? Il y a des papillons, mais Il y a des c'est pas. papillons, ouais. Ouais, les feuilles, c'est dans les modèles hybrides, comme le C-Max, puis la Fusion, c'est des feuilles qui poussent sur ton arbre. Là, c'est vraiment comme des papillons, mais c'est comme moins présent que celui dans les modèles hybrides, où on dirait qu'on veut mettre plus l'emphase sur ta récupération. Vu que tu as moins d'autonomie, on dirait que c'est plus mis de l'avant. Dans la Focus, j'ai trouvé que c'était un peu moins mis de l'avant. C'était moins présent, puis c'était moins. Ça me poussait moins à toujours essayer de faire mieux, même si les autres informations qu'on me donnait me poussaient quand même à faire mieux. Ça devenait moins un jeu, je trouvais, que dans la C-Max puis dans la Fusion. Donc, ça a vraiment un impact pour toi de voir une animation graphique qui va te dire, bon, oui, tu fais bien, continue. Ben, ça devient comme un jeu vidéo à un moment donné. Puis quand t'es un peu gamer, c'est bon. Ben, je joue à des jeux vidéo, ça vient comme le fun. Tu dis, ah, regarde, tu sais, ah, j'ai quatre feuilles sur mon arbre. Tu sais, ben ça, mec, j'arrive chez nous, je vais en avoir huit. Ou qu'est-ce La que je vais petite essayer musique, d'en tout, tout, avoir plus. tout, Ouais, c'est ça. Tu sais, fait que c'est quand même bien. L'intérieur de la Focus est vraiment super beau. C'est bien fait. Moi, j'avais une version. Le modèle que j'avais était un bleu que tout le monde me disait, il est vraiment beau ce bleu-là. Ma femme, qui est pas une fan du bleu, a trouvé ce bleu-là vraiment magnifique. Puis franchement, je suis d'accord avec elle. Puis l'intérieur était beige. Donc le beige et le bleu, ça ressortait vraiment, donc ça faisait vraiment une belle voiture. À l'intérieur, bon, des sièges en cuir chauffant et tout ça. Bon, la Focus électrique vient quand même super bien équipée, là. On parle le système de navigation est inclus. On parle aussi du MyFord Touch, puis tout ça, c'est déjà inclus. Les sièges chauffants sont inclus. C'est un modèle qui est pas mal l'équivalent d'un titanium côté finition, si on regarde la Focus à essence. Fait que ça, c'est bien. Les places arrière sont spacieuses. C'est une 5 places, ce qui n'est pas le cas de toutes les voitures électriques. C'est vraiment une 5 places. C'est vraiment Oui, ils sont rares les véhicules qui ont 5 places électriques. Puis il y a un Ouais. superbe de système de son aussi de Sony, je pense, pour Ouais. la Focus, qui sonne très bien. Oui, le système est bien. Ce que j'ai trouvé vraiment drôle, par exemple, c'est drôle et un peu peut-être pathétique, mais quand tu vas dans le système de navigation, tu as la possibilité de chercher pour des stations de recharge. Et puis c'est vraiment bizarre d'être assis dans une Ford Focus puis de te faire dire par le système que la borne de recharge la plus proche, c'est un Nissan à Pointe-Claire. Bon, c'est un peu ça, là, mais. Je me demande où est-ce qu'ils vont chercher leur information. Ouais, c'est Parce vraiment qu'il y a des. tellement de réseaux publics en plus où ils peuvent trouver d'autres informations un peu plus intéressantes qu'un concessionnaire. Ouais, c'est ça, mais c'était vraiment celle qui avait ressorti. Quand j'avais cherché pour des bornes de recharge dans le coin, on me donnait, je pense que c'était sur, ben bon, peut-être la douzaine de bornes que le système me montrait, il y en avait deux ou trois qui étaient chez des concessionnaires Nissan. Donc, c'est ça. C'est un peu plate, mais t'sais, ce serait bon que les concessionnaires Ford offrent des bornes de recharge aussi. T'sais, parce que, à ce que je sache, tous les concessionnaires Ford sont capables de vendre une Focus électrique, tandis que les concessionnaires Nissan, c'est certains concessionnaires Nissan qui ont droit de vendre Ouais, la parce qu'ils ligne. veulent absolument s'assurer qu'il y a le personnel qui est équipé, qui est compétent, qui connaisse le véhicule, qui C'est ont ça. les outils pour le réparer, etc. T'sais, donc théoriquement, t'sais, les concessionnaires qui vendent une Focus électrique devraient avoir une borne de recharge disponible pour les clients. Mais bon, c'est autre chose. Pour le reste, bon, la voiture est confortable. La suspension n'est pas trop dure. Des fois, à cause des batteries, ça aurait pu rendre la suspension. T'sais, on rajoute du poids puis tout le kit, mais c'était quand même confortable. C'est une voiture qu'on a eu beaucoup de plaisir avec. C'est vraiment une voiture que j'ai utilisée comme si c'était ma voiture de tous les jours. On est allé faire des commissions avec la fin de semaine. On a même été adopter un chien dedans. Et non, le chien n'a pas mis ses pattes sur le siège. Il était assis sur ma femme pour s'en revenir. Mais donc, il y a un chien que sa première ride de voiture, sa première promenade en voiture a été dans une voiture électrique. Bon, je sais pas Le si. chanceux, Ben oui, le je sais pas chanceux. si ça y a fait une petite sensation, quelque chose, mais en tout cas. Est-ce qu'il a fait pipi à quelque part? Pas du tout. Sur ta femme? Non, Non. pas du tout, pas du tout. Ça a été une belle petite promenade pour revenir à la maison. Il n'y a eu aucun problème et surtout aucun déversement de fluide corporel de chien. Rien pantoute, tout a bien été. La seule chose que j'ai trouvée, c'est le coffre. Le coffre est vraiment pathétique. Je sais, Ford a peut-être cru bien faire. Ils ont mis une espèce de gros morceau de plastique dans le fond du coffre. C'est une espèce de diviseur. Bon, c'est fait pour serrer des choses. On met la borne dedans. On a une grosse section au centre où on met, bon, la borne pour la protéger puis la serrer. Puis de chaque côté, on a deux plus petits compartiments qu'on peut, bon, mettre des choses dedans. C'est fermé avec un couvercle et tout ça. Mais ça prend tellement de place dans le coffre. Puis on s'aperçoit que on peut l'enlever. Et quand on l'enlève, on gagne de la place. Et là, on aurait de la place pour mettre un ou deux sacs de golf, Ou peut-être, même un gros chien. ou même un gros chien. Mais nous autres, ce qu'on a adopté, c'est un petit chien. Ça pèse sa livre, la bébite. C'est pas énorme. Puis donc, c'est ça, on aurait, t'sais, de la place pour mettre des choses dans le coffre. Mais à cause de ça, je suis allé chercher de la peinture cette fin de semaine-là, puis il a fallu que je mette de la peinture et de la litière à chat, et il a fallu que je mette la litière à chat sur le siège arrière parce que dans la valise, c'était plein. Et puis on n'a pas acheté tant de stock que ça, fait que c'est vraiment pas un grand coffre. Si Mais c'est vrai que tu as trouvé la solution, par exemple, parce que c'est ça que nos membres qui ont une Focus ont découvert, c'est qu'on l'enlève, ce truc-là. Quand on a besoin de place, là, on l'enlève, ça donne vraiment beaucoup plus de place. C'est pas parfait, c'est pas comme les coffres des autres voitures électriques, parce qu'il y a quand même ce gros bloc-là pour la batterie qui prend de la place, mais c'est mieux, c'est mieux. C'est puis, tu sais, d'un côté, c'est que je pense que Ford a voulu vendre ce véhicule-là comme étant un véhicule surtout urbain. Donc, dans ce temps-là, t'as pas besoin de mettre des grosses valises là-dedans, mais, tu sais, à un moment donné, on va chez Costco, on achète des choses un petit peu plus grosses, puis il faut utiliser le banc arrière dans ce temps-là. Tu sais, on n'est pas complètement pris. On peut mettre les choses à quelque part d'autre, sur le banc passager, sur le banc arrière, Mais le coffre reste quand même un endroit important là, pour la plupart des automobilistes mettre des choses. Bon, c'est ça. Tu veux traîner un peu d'affaires, tu vas magasiner, tu vas faire ton épicerie quand même. T'sais. C'est pas parce que tu t'en sers comme voiture urbaine que tu iras pas faire ton épicerie avec et tout ça. Et tu auras ta famille avec toi aussi, donc ça, C'est ça. ils prennent de la place, eux autres, là. Fait que le coffre est un peu limite, mais comme on enlève ça, on a plus de place, mais là, il faut l'entreposer à quelque part. Donc, c'est ça. Le moteur électrique de la Focus, c'est un moteur de 107 kW, donc environ 143 chevaux. Il est rattaché à une transmission automatique à une vitesse, parce qu'on n'a pas besoin de plus de vitesse pour un auto électrique. C'est avant ou arrière. Il n'y a pas de changement de vitesse. C'est ce qui est vraiment amusant aussi, c'est que tu fais juste écraser l'accélérateur et puis ça part. Et puis ça part, et puis ça part. T'as aucun coup de changement de vitesse. C'est vraiment assez incroyable. Puis une fin de semaine, justement, je suis retourné où est-ce qu'on a adopté le chien pour chercher quelque chose. Je suis revenu avec pas de chien et pas personne dans l'auto. J'ai embarqué sur l'autoroute. Je me suis dit, ben, je m'en vais à la maison, moi, la brancher. Fait que j'ai juste décidé d'écraser l'accélérateur quand j'étais sur l'autoroute. Puis ça monte quand même assez rapidement et avec un silence total. C'est quand même assez impressionnant. C'est sûr que si vous faites ça, attendez-vous à manger votre autonomie. Mais moi, fallait que je l'essaye. Puis de toute façon, j'avais comme 15 km à faire, puis j'étais à la maison, puis j'avais 160 km d'autonomie. Écoute, on le comprend, Luc. J'étais pas C'est trop pas la énervé. science que tu l'as faite, là, quand Oh même. oui, c'est ça, la science, la science. Et j'ai un petit peu de plaisir aussi, mais bon. Donc, c'est ça, une transmission à une vitesse. Puis la batterie, ben, c'est une batterie de 23 kWh. Autonomie, Ford annonce 122 km sur une pleine charge. Bon, ça varie selon la température, comme on disait. Moi, j'ai eu pour ma semaine, là, j'ai eu des autonomies estimées par l'ordinateur entre 150 et 166 km. Je dirais 166 km, j'avais conduit comme un dieu presque. Là. J'avais fait tout ce qui était correct en m'en venant, puis pas de climatisation, rien. Comme je disais, c'est à peu près là quand aussitôt que je touchais au bouton de climatisation, je tombais à 156 km, c'est vraiment ou 140 quelques kilomètres. C'est vraiment entre un 10 et un 20 km d'autonomie que l'ordinateur retranchait, mais j'ai jamais même passé proche de manquer. De courant. L'hiver, on parle quoi? À peu près 100 km à 120 km d'autonomie, 130 km peut-être Oui, c'est ça. d'autonomie. Puis ça va dépendre aussi de la température. Comme je disais tout à l'heure, aussitôt qu'on est au-dessus de moins 15 degrés Celsius, on n'en perd pas tant que ça. C'est un 20%, mais c'est en bas de moins 15, puis en bas de moins 25 surtout. En bas de moins 25, ça, c'est dur, là. Là, la batterie, là, elle se protège beaucoup, donc elle donne pas beaucoup d'énergie. L'accélération va être la même, la puissance du moteur va être la même, mais l'autonomie va être grandement réduite. Donc, à partir de moins 25, on peut se promener, mais faut savoir où sont les bornes autour de notre trajet au cas où. Puis encore là, ça arrivera pas tout d'un coup que boum, il n'y a plus d'autonomie. On voit que ça diminue rapidement. On conduit un petit peu plus lentement aussi. De toute façon, l'hiver, c'est plus glissant. S'il fait moins 25, ben il y a de la neige. C'est un petit peu plus dur comme environnement. Donc, on conduit en conséquence. C'est Fait, ça. on est capable de se débrouiller aussi, mais à moins 25, même avec ma voiture à essence, je ne vais pas tellement loin d'habitude. Normalement, on essaie de s'en tenir à ce qu'on a besoin de faire et non pas dire partir sur un nowhere, comme on dit, là. Tu t'en tiens aux choses qui sont nécessaires et obligatoires. Mais justement, à moins 25, c'est là où tu vas te dire, bon, mais je vais faire une recharge au travail. Ça va être une bonne idée de le faire, surtout si ton véhicule est stationné à l'extérieur. Mais sinon, pendant l'hiver, la plupart des propriétaires ont été très satisfaits. Ils ont fait leur aller-retour à l'intérieur de 80 à 100 km d'autonomie. Non, Mathieu, c'est quand même pas super. Puis regardez, des fois, c'est sûr, faut demander à votre patron là, ou au propriétaire de la compagnie où vous travaillez, mais souvent il y a une prise 110 qui traîne. Fait que des fois, c'est juste de brancher l'auto pendant la journée, puis garder une charge un petit peu plus haute, puis j'imagine quand la batterie est en recharge, elle doit perdre moins d'autonomie que si elle reste au froid à rien faire. Oui, c'est un des trucs aussi, c'est quand il fait très froid à l'extérieur, ben quand on recharge le véhicule, ben ça réchauffe la batterie en même temps. Ouais, c'est ça. Si la batterie est un peu plus chaude, ben avoir plus d'autonomie. Donc, il y a des personnes qui vont toujours s'organiser pour mettre le timer parce qu'on peut mettre une minuterie sur le système de recharge pour n'importe quel véhicule électrique. Puis dans ce temps-là, tu te dis, bon, mais je quitte à 5 heures le soir. Arrange-toi pour recharger le véhicule pour que à 5 heures le soir, ben, je sois rendu à une recharge pleine. Puis dans ce temps-là, ben, il va s'organiser pour arranger tout ça. Puis pendant ce temps-là, ben, puisque tu vas arriver à ton véhicule, puis il va juste finir de charger, la batterie va être déjà plus chaude, tu auras une meilleure autonomie en même temps. Puis rouler aussi va t'aider à réchauffer la batterie en même temps. Puis le truc aussi que les gens utilisent, je pense, c'est de commencer à faire réchauffer l'habitacle avant de débrancher la voiture. Oui, ça c'est un autre des choses qui est très important. Quand le véhicule est branché sur une maison, sur un édifice, sur une borne publique, peu importe, on l'utilise, on peut utiliser notre application sur un téléphone intelligent, puis faire partir la chaufferette. Donc, on utilise l'énergie de la borne plutôt que d'utiliser la batterie. Fait que ça te permet de réchauffer comme il faut, réchauffer l'habitacle. Donc, tu pars, ton véhicule est déjà préchauffé. Souvent, la neige, la glace a fondu. Tu n'as pas besoin de le faire très longtemps, hein, 10-15 minutes, puis tout l'habitacle est réchauffé au complet. Puis en même temps, ben quand tu pars, ben c'est moins un coût sur le système de chauffage à partir puis à essayer de réchauffer un véhicule qui était complètement froid. Donc, tu perds moins de batterie aussi. Bien sûr, mais tout est gâté avec ta livre parce que c'est une application où la Focus n'a pas. Elle ne l'a pas? Non, il n'y a pas d'application. Oh. Mais en tout cas, j'ai fait des recherches puis j'ai rien trouvé. Donc, Ford est un petit peu en retard là-dessus. Mais bon. J'imagine que, parce que tu sais, tu as l'application sur téléphone intelligent, mais tu peux aussi avoir l'application intégrée au système de navigation dans la voiture. Donc, souvent, tu peux faire la programmation dans le véhicule. T'es pas obligé de la faire sur un téléphone intelligent. Ouais, c'est ça. Des fois, tu le pré-programmes, là. Mais mm-hmm. C'est le fun de pouvoir le faire de la maison au chaud que d'aller dans l'auto puis le programmer. Mais bon, tu le fais quand il fait chaud puis c'est fait, j'imagine, une fois. Puis après ça, c'est correct. Mais bon. Exactement. Donc, si on regarde la consommation d'énergie, l'EPA, l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis, donne la Focus une cote de consommation combinée qui est équivalente à 2,2 litres au 100 km d'essence. Donc, c'est quand même pas spé. C'est pas tellement cher à rouler. Mais bon, ça, il faut faire attention à ce genre de truc-là parce que c'est 2,2 litres électriques au 100 km. Parce que c'est pour donner une équivalence au niveau du prix. C'est un petit peu bizarre comme système. Je trouve que c'est pas un très, très bon système. Parce que tu peux pas essayer de comparer pour donner une explication aux gens qui sont habitués à un véhicule à essence de dire, bon, ben, c'est comme si tu consommais 2,2 litres. C'est pas ça. Puis ça va dépendre d'un endroit à l'autre. Ton électricité va coûter moins cher au Québec qu'elle va coûter en Californie, par exemple. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas super comme système. Puis dans l'État de New York, là, mais ça donne quand même une idée. Mettons. De comparaison pour les différents véhicules. Point. C'est ça. Ouais, puis c'est ça, puis c'est comparé d'un véhicule avec le même système, comparé d'un véhicule à l'autre, ça vous donne une petite idée. Donc, c'est ça, la Focus, moi, j'ai bien aimé, être confortable, comme on disait, vu que c'est une Focus, puis que les gens sont habitués de voir une Focus, ça passe pas mal inaperçu, là, vous ferez pas pointer du doigt comme vous pouvez vous faire pointer du doigt peut-être dans une Émiève. En disant hey, t'as-tu fait la bibitte? Mais c'est ça. Mais il y a deux choses, d'après moi, qui manquent un peu pour qu'elle soit pas parfaite, mais qu'elle soit plus proche de la perfection. C'est un coffre un peu plus grand. Donc ça va peut-être se travailler dans la prochaine génération. Parce que là, la Focus a été refaite, mais c'est plus un remodelage de l'extérieur. Là. Ça reste la même plateforme, ça reste les mêmes batteries. Il n'y a aucune augmentation d'autonomie. Il n'y a rien qui a changé. C'est vraiment plus le design esthétique qui a changé. Puis il manque le port de recharge rapide. Parce que là, on le sait, il y a des bornes rapides qui commencent à apparaître un peu partout. Il y a un réseau de bornes de recharge rapide qui s'en vient. Puis il y a aussi le circuit électrique qui a commencé à mettre des bornes de recharge rapide. Donc, ça va devenir quelque chose de presque indispensable. Ça ne vous tente pas d'attendre 4-5 heures sur le bord de la route pour charger votre auto complètement. Une borne de recharge rapide, ça va vous donner quoi? 80% en une demi-heure à peu près? Un temps de prendre un café, aller à la salle de bain, puis tout ça, puis l'auto est presque chargée, puis on repart. Fait que je pense que c'est un manque pour la Focus, puis j'espère que dans la prochaine génération de Focus électrique, si Ford la garde, mais j'imagine que oui, ça serait bien d'avoir un port de recharge rapide. Ben, je veux dire, j'ai eu la chance, la grande chance de parler à la chef des ingénieurs de Ford à Dearborn, Michigan. Et on a parlé beaucoup de la Ford électrique. Elle était là pour faire une présentation justement sur ce véhicule-là. Puis, une personne hyper intéressante, elle connaît bien l'électromobilité. Elle connaît bien les défauts de leur véhicule et où est-ce qu'ils devraient se rendre. Ils sont contents des ventes qu'ils ont jusqu'à date avec les véhicules hybrides branchables, mais ils veulent en faire plus pour les véhicules entièrement électriques. Puis, elle discutait des ports de recharge haute vitesse, elle discutait des batteries à plus haute densité, elle discutait d'une plateforme qui serait plus adaptée à un véhicule 100% électrique, donc pour laisser plus de place pour les passagers et pour les bagages aussi. En comprenant que le véhicule pourrait devenir un véhicule unique pour une famille au lieu d'avoir deux véhicules, par exemple, ou avoir à louer un véhicule à essence quand on veut faire des plus longues distances. Donc, ils sont bien au courant de ça. Ils ont l'intention de continuer avec la Focus et avec d'autres véhicules, puis essayer d'amener ça petit à petit. Puis je pense que c'est ça, pour certains manufacturiers, c'est la stratégie, c'est de partir d'un véhicule hybride rechargeable ou donne une petite autonomie électrique, les gens commencent à apprivoiser un petit peu plus ça. Et par la suite, ben, ils vont aller vers le 100% électrique avec des batteries qui vont être une meilleure densité énergétique, donc plus de kilométrage en autonomie. Fait que Ford travaille là-dessus, puis ils m'ont dit qu'il y avait des beaux produits. Je pense c'est sûr qu'ils vont dire ça, mais c'était pas une dame de marketing, c'est une ingénieure. Donc, elle essaie pas de vendre son véhicule, elle essaie plutôt de voir comment on peut faire pour l'améliorer, puis elle essaie de trouver aussi des contacts à travers le Canada, des certains ingénieurs, puis certaines compagnies, parce qu'au Québec, on est reconnu en électromobilité au niveau de l'industrie. Donc, c'était une façon aussi pour Ford d'aller chercher de l'information puis des nouveaux partenariats. Donc, on va voir ce que ça va donner parce que je veux dire, c'est sûr qu'avec Tesla, ça l'a réveillé bien du monde. Il y a des rumeurs qui sortent partout d'à peu près des constructeurs majeurs d'une voiture à plus de 300 km d'autonomie dans un avenir rapproché. Le GM en parle, Ford en parle aussi. Fait que j'ai hâte de voir ça se concrétiser parce que c'est vraiment bon. C'est pas, faut quand même qu'on se rende, que la technologie se rende là, puis que ça soit abordable pour être capable de le faire. Mais pour l'instant, c'est plate de voir que les seuls, tu sais, les seuls, le seul véhicule qui est présentement capable de donner une autonomie presque similaire à une voiture à essence, c'est la Tesla. Puis la Tesla est pas pour toutes les bourses, mettons, là. Mais j'ai hâte de voir ça. C'est sûr que on fait pas souvent plus de, tu sais, 160 km dans une journée. Souvent, on va aller à quelque part, c'est peut-être un 100 km et tout ça. Puis avec les bornes qui se multiplient, je veux dire, il va y avoir une place pour charger la voiture, c'est sûr, pour être capable de revenir. Mais bon, une voiture à 300-400 km, ça inciterait probablement plus de gens à l'acheter puis à avoir moins peur de manquer d'énergie à quelque part. Parce que c'est sûr, tu perds 20% de 300 km, c'est moins épeurant que perdre 20% de ce que, mettons, Ford annonce de 120. Mais bon, j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'aime où ça s'en va. Puis moi, je suis un futur et conducteur de voitures électriques. Je veux dire, Il y a j'attends des juste belles le choses bon qui temps. s'en viennent. Il C'est y a des ça. belles choses qui s'en viennent. Il y a des beaux développements au niveau de la technologie, au niveau du moteur qui est moins lourd, qui est plus efficace en énergie. C'est important, ça. Toute l'électronique qui transfère l'énergie de la batterie vers du courant alternatif pour le moteur qui soit plus efficace. Ça aussi, ça aide énormément à retirer un 5-10% de plus de la batterie. Donc, la même batterie, si elle a un moteur plus efficace, puis de l'électronique qui est plus efficace vont te donner 20-30% de plus d'autonomie Ouais. pour la même batterie. C'est ça. Super, ça. Meilleure plateforme, des matériaux plus légers, tu sais, tout ça, tout est Absolument. meilleur pour l'autonomie. Ce qui est bon aussi pour une voiture à essence, là. Mais c'est encore meilleur pour une voiture électrique parce que pour l'instant, aller mettre de l'essence dans une voiture à essence, c'est hyper facile. Recharger une voiture électrique, c'est un petit peu plus compliqué. Puis il y a des gens qui veulent pas s'embarquer là-dedans, mais un coup qu'on ait goûté, Mais c'est c'est pas compliqué non plus de recharger un non, véhicule électrique. Ça, ben il y a non. des gens qui disent, ah oh, mon Dieu, est-ce que je vais être capable? Comment ça fonctionne? Ben c'est un petit fusil avec des pins dessus, puis on le rentre comme brancher n'importe quel appareil dans le mur. Il y a des pins qu'on aligne, clic, puis ça part tout seul. Il n'y a pas grand-chose à faire. Et la Puis quand question c'est fini, on pèse sur le bouton puis on le retire. c'est ça. Est-ce que vous branchez votre iPhone le soir quand vous arrivez à la maison? Si oui, vous êtes capable de brancher un auto électrique. Ouais, absolument. Le connecteur est juste plus gros, mais c'est le même principe. C'est on branche, on s'en va dans la maison, on fait ce qu'on a à faire, puis vous n'êtes pas obligé de retourner pour le débrancher quand elle est pleine. Vous le débranchez le lendemain matin quand vous partez, ou puis c'est tout, c'est C'est hyper une simple. habitude. C'est C'est ça. juste une habitude pour les gens. Puis on se pose tous la question quand on commence là-dedans puis qu'on achète un véhicule électrique, est-ce que je vais oublier un jour? Ben non, ça devient juste un réflexe naturel. Tu arrives chez vous, puis tu regardes un petit peu ton autonomie, tu dis ah, qu'est-ce que j'ai à faire demain ou peu importe, j'ai-tu besoin de la brancher ou non? Ah, oh, pas besoin de la brancher. Ou ça se peut que tu te réveilles à 3 heures du matin, puis tu dis ah oh, non, j'ai oublié de brancher mon auto. Puis là, tu sors dehors en pyjama, puis tu vas brancher ton auto. C'est T'sais, ça. tout est possible. Ouais, mais ça devient une habitude. Puis moi, je l'ai fait 4 semaines de suite avec 4 autos électriques différentes, puis j'ai jamais oublié de la brancher. Bon. Si je la branchais pas, c'était délibéré. C'est parce que je savais que je ressortais après souper, quelque chose, pour aller faire quelque chose. Puis aussitôt que je revenais, je la branchais. Fait que si je suis capable de le faire, tout le monde est capable de le faire. C'est pas un problème. Bon, fait qu'on va finir l'émission sur la focus là-dessus. Y avait-tu d'autres choses que tu voulais rajouter, Simon-Pierre? Ou si on a pas Moi, mal fait j'aime le le tour? système de lumière de Ford, d'ambiance. Ah, les changements de couleur. C'est le fun, ça. OK. C'est un Ouais. gadget, mais quand même Ouais. que c'est le fun. Ouais, Ça. même dans les portes-gobelets au centre, il y a des petites lumières. On peut mettre ça plusieurs couleurs différentes. Ouais, c'est vrai que ça donne un look spécial. Puis l'accélération sur ce véhicule-là aussi. Ça, je l'aime beaucoup. Comme je disais, il y a une excellente dynamique de conduite sur ce véhicule-là. C'est un des premiers véhicules qui avait de l'allure dès le départ parce que il y avait le petit oomph de plus pour la dynamique de conduite. Et en plus, le chargeur était le plus rapide sur le marché avec le 6,6 kW. Le système de son, tout ce qui venait de base pour ce véhicule-là était excellent. Ils ont décidé de garder le prix à un niveau beaucoup trop élevé. Donc, tu sais, les gens, quand ils veulent comparer, puis ils disent, bon, mais quel véhicule je devrais prendre? Mais la Ford Focus était toujours un petit peu plus chère. Ouais. Là, ils ont finalement décidé de baisser le prix. Donc, j'espère qu'il va y avoir des meilleures ventes. Puis, j'espère aussi que ça va les stimuler à vouloir faire une deuxième génération qui a plus d'allure aussi. Ouais, c'est ça, avec des composantes améliorées et tout ça. Mais oui, c'est une très belle voiture. Puis le bleu que j'avais était vraiment belle. Mais Ford a un noir tuxedo qu'il appelle, qui est un noir qui brille vert au soleil, là. Un peu, c'est assez joli. Moi, aller m'en chercher une, elle serait probablement en noir avec un intérieur beige, là. Mais moi, je magasine ça pour l'année prochaine. J'ai pas dit mon dernier mot. J'ai pas arrêté mon choix encore non plus. C'est juste le coffre puis le chargeur rapide, moi, qui m'arrêterait un peu. Mais bon, on verra bien rendu là. Tout dépendant des besoins des automobilistes, savoir est-ce qu'ils ont besoin justement d'un port de recharge haute vitesse, est-ce qu'ils vont utiliser le véhicule pour à toutes les sauces ou ça va être seulement pour se rendre au travail puis faire des petites commissions comme ça. C'est ça. Mais c'est moi, tant qu'à l'utiliser, je vais l'utiliser au maximum parce que c'est quand même cher pour aller faire des commissions puis juste s'en servir pour aller travailler. Mais ça prend une deuxième voiture pour tout le monde. Fait que si vous avez besoin d'une deuxième voiture juste pour aller travailler, parce que c'est pas toutes les voitures qui servent non plus la fin de semaine. Souvent, on part en famille, on n'a pas besoin de deux voitures la fin de semaine. C'est dans la semaine qu'on a besoin d'une deuxième voiture. Ben c'est un bon premier pas. Donc, on va finir ça là-dessus, comme je disais. Alors, si les gens veulent te rejoindre, c'est mon père, comment peuvent-ils le faire? Ils peuvent se rendre sur le site de l'Association des véhicules électriques au www.aveq.ca. On a aussi une page Facebook et un compte Twitter. On est sur YouTube, sur Flickr et sur tous les réseaux sociaux. Parfait. Puis toi, Jean-François? Sur Twitter à JFLIAU. Puis c'est pas mal ça pour le moment. C'est ça. Si vous êtes un, si vous voulez encourager Jean-François pour sa Oui. course en fin de semaine, là, allez voir la page Facebook du podcast auto. On va mettre ça Yes. là-dessus. Sinon, allez voir le compte Twitter de Jean-François. Je suis sûr qu'il va poster ça Je vais le mettre, c'est sûr. une couple de fois pour en Yes. essayer de mousser un peu ça. Ouais. Moi, si vous voulez me rejoindre, mais c'est sur Twitter, @calazormo. On a aussi une adresse courriel qui est lepodcastauto@gmail.com. On a le site du podcast auto qui est podcastauto.ca. C'est surtout le podcast, mais quelques articles de l'ami Martin aussi qui sont là-dessus. Et puis, vous pouvez aussi m'entendre sur un podcast qui s'appelle Réalité augmentée. On parle de jeux vidéo, de films et de tout ça, tout ce qui est divertissement. Souvent numérique. Et puis, vous pouvez me lire sur le site de Kijiji à chaque semaine. J'écris sur l'automobile. C'est sur le fr.kijijiblog.ca dans la section véhicule. Donc, ça fait pas mal le tour. Juste vous mentionner, j'ai l'ami qui j'ai un ami, Marc Bouchard, je suis en train d'oublier son nom, qui a sorti un jeu de société. C'est un jeu de cartes, c'est un jeu de questionnaire. Il a écrit ça avec Bertrand Godin. Puis ça fait une couple de fois, je dis, ah, je vais en parler sur le podcast, je trouve ça super intéressant. Puis à chaque fois, j'oublie parce que j'ai la mémoire de poisson rouge. Donc, ça s'appelle je lis drette entre les mains, ça s'appelle Les Incollables Auto. Donc, ça fait partie de la série qui s'appelle Les Incollables. C'est des questions-réponses. Certaines sont assez poussées, des choses qui sont assez compliquées. Il faut être vraiment un amateur de voiture pour connaître les réponses. Puis même là, même parfois, en étant des vrais amateurs, on réussit pas à trouver nécessairement les réponses. Mais il y a des réponses plus simples. Je peux vous donner des exemples comme quelle voiture conduisait Marty McFly dans Retour vers le futur. Ça, c'est quand même assez simple. Un aigle apparaît sur le logo de quelle marque de voiture suédoise? Quel est le nom de l'inventeur des essuie-glaces intermittents? Un brevet pour une voiture hybride a été déposé il y a 100 ans, vrai ou faux? Donc, toutes des questions comme ça. Il y a 800 questions en tout. Puis vous pouvez retrouver ce jeu questionnaire-là dans les librairies. Vous pouvez l'acheter aussi directement sur Internet. Je vais inviter Marc à venir en parler de son jeu. Le temps des fêtes s'en vient. Là, ça va être un super beau cadeau pour les maniaques de horreur alentour de vous. J'ai pas regardé le prix. Je pense pas que c'est hyper cher. Là, je vous en reparlerai dans un autre épisode. Fait que je vais essayer d'avoir Marc. Et puis, Marc a co-écrit ça, co-créé ça avec Bertrand Godin, un gars hyper sympathique que j'ai eu la chance de rencontrer une couple de fois. C'est vraiment une perle. Vous pouvez y parler. C'est vraiment un super bon gars. Donc, je vais essayer d'avoir les deux pour venir parler du processus de création puis tout ça, parce que c'est quand même assez complexe. C'est quand même assez intéressant. Donc, on va essayer d'en reparler un peu plus tard. Mais en attendant, si ça vous intéresse, regardez ça. Les Incollables Auto. Ça se trouve sur Internet. Donc, bon, là-dessus, on va terminer l'émission. Je vous dis merci beaucoup encore une fois de nous avoir écoutés. Et puis on se dit, ben, à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on parle de la Chevrolet Bolt. Bye tout le monde. Bye bye.